Les médias étrangers ont traité les 5 et 6 mai la déclaration du porte-parole du ministère coréen de la Sûreté nationale titré « Nous châtierons impitoyablement par le combat de ratissage juste les meurtriers des agences de renseignement des États-Unis et de la Corée du Sud, officines du terrorisme ». L'agence de presse cubaine Prensa Latina, les agences de presse russes TASS et Lianovosti, l'agence de presse Reuters et la radio BBC de Grande-Bretagne, le journal islandais MBLIS, le journal danois Politiken, le journal thaïlandais Bangkok Post, l'agence de presse japonaise Gyodong, le journal internet algérien Al-Bilad, le journal sud-africain Pretoria News l'ont rapporté surtout sous le titre suivant « La Corée dénonce le complot pour l'attaque de la CIA et de la Corée du Sud contre sa direction suprême ».